Étape 2. Pour installer gratuitement Isarc, utilisez le lien placé sur cette page. Après avoir ouvert le lien, faites D, puis entrez une nouvelle fois. Vous trouverez ensuite Isarc-setup dans le dossier Lynx, contenu habituellement dans Program Files. Ouvrez ce fichier. Utilisez ensuite la fonction Alt combinée avec la touche A, puis entrez 6 fois de suite. Voilà, Isarc est sur votre ordinateur.